Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On se retrouve une fois de plus pour une émission en différé, une émission somme toute riche de nouveautés, puisque dans la playlist de ce soir, on se rentre des petits bijoux dans les oreilles. À savoir parmi les nouveautés de ce soir, les Espagnols de Crizix, les Français de Dawall, les Scandinaves de Corpsist et autres joyeusetés type Incandescence ou encore Armory. On va s'égrener ces nouveautés tout au long de l'émission de ce soir. Et puis, on attaque tout de suite la diff. La première doublette. C'est deux formations de vétérans dans deux styles différents, mais qui viennent tous deux de Scandinavie, puisque nous avons tout d'abord Abbas, bien connu du coup pour avoir été pendant de bien longues années le chanteur-guitariste de Immortal, le groupe de black metal norvégien. Il évolue maintenant sous son propre nom, enfin depuis qu'il s'est fait dégager de Immortal d'ailleurs. Et du coup Abbas nous propose toujours du black norvégien avec de gros roulants heavy metal, hein, ça fait méchamment le job d'ailleurs. Dread River, c'est le nom de ce troisième effort studio, toujours dispo sur le label français Season of Mist. Et en doublette avec Abbas, les vétérans de Meshuggah, le groupe suédois qui nous sort Immutable, sous la nouvelle entité née après Nuclear Blast, appelée Atomic Fire. Meshuggah, on s'écouterait le titre Armies of the Prophesterous, et Abbas, on s'écouterait le titre Acid Haze. Sur ce, bienvenue à toutes et à tous, et c'est parti, on lance l'émission. Pour la doublée suivante, on va faire un petit up-tempo avec les Belges de Evil Invaders, le groupe de Heavy Speed, Speed Trash, qui sort son nouvel effort studio Shattering Reflection, une sortie Napalm Records, et on est toujours dans l'efficacité et la simplicité chez Evil Invaders. Et en doublette avec la première nouveauté de ce soir, Corpsest, la formation finlandaise de Death dégoulinant. Corpsest, on avait diffusé le précédent album, si je ne m'abuse. Donc voilà, du Death qui nous vient de Finlande, 4ème effort studio. On est donc sur du Death caverneux, bien crasseux, d'inspiration d'Isma, autre Incantation, et voire même plus récemment Father Befold, et un rendu assez old school avec des relents bien doux mais bien sombres voilà, qui viennent finir d'asphyxier l'ensemble de l'album. Corpsest, ça dégouline et c'est efficace. L'album s'intitule Succumb to Rot, une excellente sortie Dark Descent Records prévue le 22 avril. On s'écoutera le titre Death Stench Effluvium, et juste avant ça, Heavy Invaders avec le morceau Die For Me. C'est parti. Years, the blood, the sweat and tears, the purpose of your presence disappears. The stab wounds in my back won't heal anytime soon. Just one last troisième doublette de ce soir est tout d'abord ouverte par Incandescence. C'est vrai que j'ai dit Incandescence tout à l'heure à la sauce anglaise, alors que pas du tout en fait. Incandescence, c'est une formation de black qui nous vient du Québec, actif depuis une dizaine d'années. C'est un duo, puisque de base, le projet a surtout été monté par Philippe Boucher, qui est actuellement le cogneur de Beyond Creation depuis une dizaine d'années, justement. C'est le quatrième album pour Incandescence. Donc Philippe Boucher fait toute la partie instrumentale, et puis il y a un vocaliste pour enregistrer les parties de chant. On est donc sur du black typiquement québécois, c'est frontal et à la fois mélancolique, c'est pas trop rao ou glacial pour autant. Forcément au niveau des parties de batterie, c'est assez dingo pour du black, et c'est là qu'on se rappelle qu'on a affaire au cogneur de Beyond Creation. Voilà, Incandescence, ce nouvel effort studio s'intitule Le cœur de l'homme. Il est prévu chez Profound Lore Records. On s'écoutera le morceau La Descente. Et un doublette avec Incandescence, Satan, le vieux groupe de heavy anglais qui nous sort Earth Infernal. Ça renouvelle absolument rien, c'est un peu kitsch, mais ça reste toujours très agréable à s'écouter. Et on s'écoutera The Blood Ran Deep, Incandescence et Satan. C'est parti. Yeah! Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en pas direct dans une émission différée jusqu'à 23h. Et la doublette suivante est une doublette ibérique, c'est pas souvent que ça nous arrive, donc tout l'intérêt de le noter. Tout d'abord, le Brutal Slam Death de Analepsy, la formation portugaise qui nous sort enfin son second album studio intitulé Quiescence, après avoir eu de nombreux remous de line-up, voilà, le groupe s'est enfin stabilisé. Une orientation musicale assez inspirée par Warmed, leur congénère espagnol pour le coup. Donc voilà, Analepsy, toujours Cali. L'album est déjà dispo chez Miasma Records et en doublette avec Analepsy. Troisième nouveauté pour ce soir, Crisix, les Espagnols bien dingos qui nous font du trash, toujours aussi fun et toujours aussi engagé surtout. C'est le combienième album, je m'y perds, cinquième album studio pour le groupe espagnol. Il est prévu tout fraîchement démoulé, hein. Il est sorti ce vendredi, toujours signé chez Listenable Records. Ça trash toujours bien comme il faut. Et, l'album s'intitule Full HD et on s'écoutera le titre Speak Your Truth. C'est parti. We'll be right back. Suite de l'émission, eh bien, qui nous rapproche déjà du milieu de la séquence de ce soir, on déroule avec Desolate Shrine, groupe de death qui nous vient de Finlande, actif depuis une dizaine d'années, qui sort son cinquième album studio chez Dark Descent Records. Du death pesant, macabre et caverneux, des compos assez longues, hein, de 5 à 10 minutes. Line-up assez particulier, puisqu'on retrouve le chanteur de Sargeist et le batteur de Sargeist, à savoir que les deux tiennent le micro. Et derrière, c'est un multi-instrumentiste. Donc voilà, c'est la particularité de chez Desolate Shrine. Et puis c'est plutôt efficace, hein, tout simplement. Et en doublette avec Desolate Shrine, on va s'écouter Aluna. Style totalement différent, puisque là on est sur du doom anglais, mené par une chanteuse. L'album s'intitule Strange Machine, on s'écoutera The Earth Spin. Et juste avant ça, Desolate Shrine avec le titre Cast to Walk the Star of Sorrow, extrait du nouvel effort studio Fires to the Dying World. C'est parti. La doublette suivante nous fait entrer de manière bien ténébreuse dans l'aspect française, avec une ouverture de cet aspect hexagonal, une nouveauté, Dawall, la dernière signature de chez Dolorem Records, le label plus ou moins tourangeau. Dawall, qu'est-ce que c'est? C'est du Black and Brutal Death qui nous vient d'Alsace, de Mulhouse précisément. Ils sortent là leur premier album studio, 8 ans après le tout premier EP, un line-up qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Et à noter que le cogneur chez Dawall, c'est monsieur Thomas Henkin, accessoirement cogneur chez Merrimack et autres Ritualization. Un album 8 titres pour à peine 30 minutes, c'est frontal, c'est direct, c'est efficace. Et en clôture de l'album, une cover d'une autre formation alsacienne de death metal, Merciless. Donc voilà, c'est radical, c'est frontal, c'est expéditif et c'est surtout très très bien foutu. Dawall, ce premier album s'intitule donc Léviathan. Très sobrement. On s'écoutera le titre Institutionalized Hatred. L'album est prévu donc pour le 22 avril. C'est encore une petite avant-première. Et en doublette avec Dawall, Despel Omega, la formation black du Poitou qui nous sort son nouvel effort studio The Long Defeat. Le groupe a bénéficié d'une chouette présentation dimanche dernier au travers un focus, donc je ne vais pas m'éterniser plus sur la formation qui sort ce nouvel effort studio de très grande qualité. On s'écoutera le titre Sie sind gerichtet. C'est parti, Dawall, Despel Omega, en ouverture de l'aspect française de l'émission Le Banger de ce soir.